Micro ouvert. Bah oui, il fut un temps où il n'y avait pas le corona. Et c'était le mardi 22 octobre 2019. Le micro ouvert était là et prend contact avec une dame pour contacter un collectif qui s'appelle Semer le Futur et en gros qui sensibilise à la problématique, aux problématiques sociétales, agricoles et environnementales actuelles. Et ils disent en plus qu'ils ont envie de semer les graines du futur pour imaginer et construire un monde de meilleur, quoi. Un monde avec une vision de transition qu'ils disent. Ça, c'est une chose. Donc, c'est Semer le Futur, 14 associations, et ils mettent en place plusieurs événements comme ça. Enfin, je ne vais pas répéter ce qui se dit. Hein. J'essaye de... pour que vous compreniez dans quoi vous débarquez. Et ça va se passer en plusieurs parties. La première partie, c'est un constat des choses. Après, il y a le public. L'après-midi, c'est le public qui réagit. Et le soir... il y avait une conférence débat avec, comment s'appelle-t-elle cette dame, avec Sylvia Pérez-Vitoria, qui est considérée comme l'une des meilleures spécialistes des mouvements paysans alternatifs. Alors, je n'ai pas pu être au débat au soir, à Welkenrad à 20h, mais j'ai pu rencontrer cette dame en tête-à-tête. Ouais, c'est pas plus mal, hein. Donc, trois parties à mon avis, ça va faire bien trois parties. Voilà, la fiche... De tout ça disait aussi les agriculteurs disparaissent, quel futur pour notre région, quel futur pour l'humanité. Bonjour à tous. Comme elle est juste à côté de moi, je vous la présente, Graziella, qui est journaliste dans des médias alternatifs. Donc elle va faire des captations de sons. Et ceux qui ne voudraient pas être sonorisé, vous allez simplement la trouver, vous dites moi non. Et c'est très clair comme ça, ça va? C'est un peu stressant. Pour toi? Oui. Donc voilà. Au nom du collectif Semer le Futur, bonjour à tous et à toutes. Merci à vous d'être venus pour passer la journée avec nous. Merci également au Centre culturel de nous accueillir dans ces locaux. Alors, qu'est-ce que le collectif Semer le Futur? C'est un collectif qui regroupe des citoyens et 14 associations. Je ne vais pas toutes les citer là maintenant. Elles sont reprises et sur l'affiche et sur le petit flyer. 14 associations de l'arrondissement de Verviers, voire de la province de Liège, qui s'interrogent et proposent des actions autour des thèmes de l'agriculture et de la transition, ici et dans le monde. Le collectif organise plus ou moins tous les deux ans, des fois plus que deux, des actions, grands événements vers le public. Il y a eu notamment Pablo Servigne et Hervé Kempf qui présentaient leur regard sur la société actuelle, ainsi que des solutions possibles pour notre futur. Avant cela, il y a eu Pierre Rabhi qui est venu à Herve pour une conférence où il a parlé d'un avenir nouveau pour l'agriculture et l'alimentation. Là, maintenant, aujourd'hui, on propose une journée, rencontre, discussion, échange autour de l'agriculture dans notre région, de son avenir incertain et de son rôle dans la survie de l'humanité. Donc, cette journée se déroulera en trois temps. Ce matin, il va y avoir les constats. L'après-midi, quel avenir pour l'agriculture, plus spécialement sur le pays de Herve. Et ce soir, ici aussi à Welkenrad, la conférence de Sylvia Pérez, plus grand public. Des petites informations techniques. Le repas de midi, ça sera ici. On prendra des sandwichs entre 12h30 et 13h30. Ici, là, à votre disposition, il y a de l'eau et du thé. Et si vous voulez toute autre boisson, il faut aller au bar du centre culturel et c'est payant. C'est Renaud Kölgen, que je ne vois plus. Renaud Kölgen, qui va gérer les débats et qui vous présentera les différents intervenants et de la matinée et de l'après-midi. Ah oui, Une petite remarque encore, Sylvia préfère ne pas être prise en photo personnellement. Mais après, dans les photos de groupe, donc si vous voulez faire un selfie avec elle, non. Et puisque je parle de Sylvia, je me suis dit, mais là, il faut que quelqu'un tienne mon micro. Je me suis dit que ça valait la peine de lire, merci, le dernier paragraphe du premier chapitre de son livre, Manifeste pour un 21e siècle paysan. Ça ne sera pas long. Il faut rompre avec les élucubrations sorties des modèles mathématiques dégurgités par les ordinateurs, des économètres et les fantasmes d'urbains en mal de racines. Il n'y aura pas de solution si l'on ne redonne pas aux paysans et aux paysannes des terres pour produire leur nourriture et celle du reste de l'humanité. Dans la plupart des cas, ils sauront trouver des pratiques culturales adaptées aux conditions locales et produire les denrées vivrières nécessaires pour peu qu'on leur laisse les moyens de le faire. Ils pourront en vivre et nous faire vivre. Bonne journée à tous. Tu lances pas les vidéos ? Tu lances pas les vidéos ? Ah oui, j'étais trop vite. Je lance d'abord une petite vidéo, donc avec Henri, qui est ici quelque part. Ah, Henri ! Et Catherine Cronis, on est allé interviewer 5 agriculteurs du pays de Herve, simplement pour lancer la journée, lancer les réflexions, peut-être lancer les discussions. Donc on va d'abord vous passer une vidéo un peu sur les constats, et après-midi on relancera cette vidéo sur les perspectives d'avenir, vues par ces agriculteurs-là évidemment. Ça va ? Et c'est vraiment une petite vidéo amateur, mais qu'on a fait au mieux qu'on pouvait. Il y a 34 ans, nous avons repris la ferme de mes parents ici, une 60aine de vaches laitières. Nous avons eu énormément de difficultés parce que c'était les années des quotas laitiers. Et on a démarré de rien, on a acheté tous nos quotas, donc le côté financier dans notre exploitation a été très très important pour nous parce que nous avons vraiment ramé. Mais d'un autre côté, donc nous autres quand nous arrêterons, elle ne sera plus viable ici puisque nous sommes entourés de nouvelles constructions. Mais par contre, nous avons un fils qui a repris une ferme à Aubel et c'est pour le fromage de la Tourme du Plateau. Et nous en sommes fort fiers. Nous avons un autre fils qui aime aussi préparer les vaches pour les concours. Nous avons deux beaux-fils pour des entreprises agricoles, qui travaillent pour des entreprises agricoles. Et la plus jeune de nos filles aussi travaille au ministère de l'Agriculture à Namur. Donc nous sommes fiers de la continuité du point de vue agricole de nos enfants. J'ai une ferme laitière de 70 vaches. Je suis en bio depuis l'année passée. Et depuis l'année passée aussi, on a commencé une transformation à la ferme avec mon épouse. Donc on fait des fromages, yaourts, produits laitiers. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis lancée dans un élevage de chèvres et la transformation fromagère. Et on avait de l'espace ici à la ferme. Et alors je me suis dit, mais pourquoi pas investir une partie des tables avec quelques chèvres. Et alors assez vite après, donc un mois ou deux après, donc j'ai eu les chèvres qui sont arrivées ici à la maison. Du coup, deux, trois mois, c'était des chèvres qui étaient toutes pleines, donc 2 mois après, elles ont mis bas. Et alors, il fallait continuer, donc il y avait les fromages, il fallait le lait qui allait arriver, donc il fallait savoir transformer. Et donc parallèlement à ça, j'ai commencé une formation via Diversiferme, le pôle fromager, pour avoir quelques notions un peu plus théoriques sur la transformation fromagère. Et puis alors là, petit à petit, j'ai développé l'exploitation et la partie fromagère. Nous sommes tous les deux sur l'exploitation avec l'ancien associé qui donne aussi un coup de main, qui est assez présent. Mm-hmm. Et alors, c'est une exploitation de vaches laitières, vaches de race pie noire Holstein et en mode production conventionnelle. Oui, donc au début, c'était d'abord les quotas, puisqu'il fallait investir pour pouvoir avoir, pour pouvoir démarrer. Le plus gros problème qui reste aujourd'hui, c'est le prix du lait qui est énormément bas par rapport à tous les intrants. Le prix du lait n'a pas monté par rapport il y a 3-4 ans quand nous avons commencé. Un autre problème ici dans la région, c'est que nous sommes plusieurs agriculteurs de la même génération et les terrains, ben, ils sont très prisés et c'est quasi toujours les mêmes qui ont les beaux terrains. Nous autres ici, on a une trentaine de jeunes bêtes que nous mettons en pâture à La Roche en Ardennes, donc à 70 km d'ici, pour pouvoir leur donner à manger et être en ordre avec la liaison sol. Ce qu'il y a aussi, ce sont les normes qui sont toujours plus sévères et plus nombreuses et il faut s'y adapter aussi de ça. Et aussi, l'administration prend énormément de temps. Je recommencerai, peut-être pas dans les mêmes conditions, mais on a toujours été là pour les enfants, pour les petits-enfants maintenant, et on est toujours à la maison. On ne peut pas dire qu'on est vraiment maître de notre métier, mais on est quand même indépendant quelque part, oui. Oui, je suis fière de mon métier. Les contraires, ben, comme tous les agriculteurs, ce sont le travail quotidien, avec le fait qu'en agriculture, ben, surtout dans les élevages, on est tributé du travail à la ferme avec les contraintes ben, que Beauvais peut nous occasionner, avec tout ce qui est les soins quotidiens, et puis aussi tributé de la météo, avec des horaires qui sont fort aléatoires en fonction de la charge de travail saisonnier. Oui, c'est un très beau métier, ouais. On est né dedans et on redit, donc pour nous c'est vraiment une passion. Je pense que ce qui me plaît le plus, moi, c'est le travail en extérieur avec les animaux, et alors ce qui me plaît encore plus, c'est le contact avec les personnes, donc le fait de me retrouver au marché, d'aller voir mon produit, de présenter ce que je fais, de pouvoir partager un peu ce qu'on fait, et puis alors pourquoi pas accueillir des personnes après à la ferme. Les difficultés. Donc déjà, il y a le temps de travail qui est vraiment conséquent. Enfin, ça, c'est vraiment le plus difficile pour moi. Ça va faire la part des choses entre... à un moment donné, il faut savoir dire stop. Ça, c'est pas évident non plus. Que ce soit au niveau des heures de travail, mais que ce soit aussi au niveau des clients. Enfin, c'est pas toujours facile de refuser. À un moment donné, on peut pas dire oui à tout. Je pense que ce qui est difficile aussi, c'est les aléas du travail. Enfin, on se rend pas toujours compte, mais il suffit qu'il y ait des soucis de température, de météo ou quoi. Il fait un peu trop chaud. J'ai eu quelques soucis avec les chambres froides, donc ça crée des problèmes au niveau de la production, et donc on doit jeter parfois, et ça c'est toujours un peu difficile. C'était assez compliqué à ce moment-là, c'était surtout l'administratif, parce que les dossiers maintenant pour les aides et tout ça sont de plus en plus complexes, prennent énormément de temps, et ils sont attentifs aux moindres détails, la moindre petite erreur. Ça peut avoir parfois des conséquences très très importantes. Et alors nous autres, on n'a pas eu de problème, mais c'est vrai que entre le temps où on introduit la demande, le temps où on a la réponse et où on peut avoir l'aide, il y a un bon petit bout de temps qui peut s'écouler. Et actuellement, les contraintes, on va dire les plus grosses contraintes que moi je trouve, mais ça c'est à titre personnel, c'est surtout au niveau social, parce que la vie à la ferme, ben, c'est évidemment beaucoup d'heures passées dans le travail, avec des impératifs d'horaire, les traites deux fois par jour, à la même heure, qui prennent quand même pas mal de temps. Et la vie sociale, on va dire, de tout le monde, elle n'est plus du tout en phase par rapport à l'agriculture, ou l'agriculture n'est plus en phase par rapport à la vie sociale actuelle. Ça, c'est à voir comment on prend ça. En plus de ça, ben, la vie, on travaille avec du vivant. Travailler avec du vivant, c'est s'adapter, mais la vie actuelle est souvent bien organisée, tout est chronométré, et nous autres, ben, il faut s'adapter en continu à tout ce qui se passe, tout ce qui se fait dans la ferme, quoi, avec les animaux, avec la nature, le temps, la météo, voilà, il faut chaque fois s'adapter. Mmh. Et alors, une des grosses contraintes aussi, toujours avec le social, parce que je trouve que c'est quand même important, c'est la communication avec les citoyens, l'importance des réseaux sociaux, l'image négative que certaines parties de la population a de l'agriculture, qui est parfois pas faussée, mais disons trop restreinte, quoi. On fait vite des amalgames, on part d'un petit détail, mais on ne se renseigne pas plus loin. Mais voilà, il faut que le monde agricole s'ouvre vers les autres, quoi. Qu'on est un peu vers les autres. Ben, les facilités, surtout, ben, c'est que c'était déjà bien existant, puisque Benoît était sur l'exploitation avant moi. Donc évidemment, les facilités... C'était un peu dans la continuité. C'était la continuité, voilà. Donc avec ça, le fait d'être dans la continuité, y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles, quoi. Mmh. C'est pas comme s'il fallait qu'on cherche une exploitation ou voir avec les parents ou quoi, parce qu'en plus, on n'est pas du milieu agricole, donc il n'y avait pas un choix d'exploitation à devoir faire pour s'installer. Ça suivait son cours, quoi. Donc c'était un peu pour nous une grosse facilité d'avoir la continuité de ce qui avait déjà été créé plus tôt, quoi. Mmh. Et alors à l'heure actuelle, c'est vrai que la facilité, c'est un peu tout ce qu'il y a actuellement au niveau informatique qui donne l'accès à énormément d'informations et qui peut permettre beaucoup de facilité par rapport à l'ouverture justement du monde, par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Moi, j'ai toujours été passionné par l'agriculture, donc enfant, j'allais dans les fermes et déjà ici. Mm-hmm. Et c'est une ferme qui était exploitée par un célibataire. Mm-hmm. Et puis alors, à la fin de mon parcours scolaire, mm-hmm. Je me suis associé avec lui. Mm-hmm. Ça a été, c'était un peu spontané, quoi. Il a commencé la phrase, je l'ai terminée, on s'est associé. Mm-hmm. Et voilà, c'était le début de l'histoire. Moi, je faisais le métier que je voulais faire. Mm-hmm. Et je pense que lui, ça l'ouvrait de nouvelles des perspectives d'avenir, de fait de carrière. Et en fait, aujourd'hui, il est toujours actif sur l'exploitation. Et je crois que c'est ce qu'il veut, quoi. Donc, voilà. Et par rapport à l'intervention de Marie-Noëlle sur l'aspect social, mais moi, j'ai peut-être ma perception d'homme qui est légèrement différente. Ce que j'apprécie, je trouve qu'on est omniprésent avec les enfants, entre autres. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que c'est des petits moments le matin, etc. Mais je dirais bien, ça n'arrive jamais que je ne les vois pas avant qu'ils n'aillent à l'école et qu'ils n'aient pas un petit échange, voir un petit peu comment ça va, etc. Moi, j'apprécie ça, quoi. Mais je veux dire, ça, c'est la perception peut-être plutôt masculine. Et le soir, pareil, je veux dire, on est quand même tout le temps présent, parfois un petit peu à coup de vent, mais on est sur le site de l'exploitation. J'ai hérité du Valais Noir, et donc là, c'est moi qui dois faire les champs. Avant de présenter les intervenants, il y avait quand même la possibilité, d'après la ligne de conduite, de laisser la place à un autre témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un veut prolonger ce qui a été dit dans les vidéos ou pas. Quelqu'un veut apporter un témoignage supplémentaire. C'est ça. Donc on n'en rajoute pas maintenant et on garde du temps pour les échanges. Ça sera peut-être plus riche tout à l'heure. Ça va. Les intervenants. Donc ce matin, comme la vidéo vous l'a présenté, on va parler des constats. Voilà. Où en est-on? Et donc, ça va se construire comme ceci. On donnera la parole d'abord. Je vais essayer de présenter chacun des intervenants. Si je dis une bêtise, parce que mes notes ne sont pas correctes, vous, les intervenants, n'hésitez pas à me corriger, n'est-ce pas? Benoît Huizen, alors là c'est délicat parce qu'il est hyper connu évidemment ici, il est à domicile, etc. Donc directeur du service technique de la UE, entre autres choses. On ne dit pas directeur, voilà, tu vois les notes ne sont pas correctes, mais c'est pas grave. Mais voilà, tu pourrais, hein, non? Ouais. Voilà. D'après ce que j'ai compris, on va parler chiffres avec Benoît, statistiques, etc. Donc ce sera vraiment un vrai constat. Donc pour démarrer, c'est pas mal, pour faire l'état des lieux. Nous aurons Henri Leclou, agriculteur retraité, spécialiste des politiques agricoles, donc c'est justement de ça dont il parlera en faisant un bilan des 10 dernières années. Voilà, je ne dis pas trop de bêtises, c'est bien. Nous aurons Astrid Bouchedor de chez FIAN, qui élargira le débat aux dimensions internationales. Donc là, on parle accord de libre-échange et tout ça, j'imagine. Pas tant que ça. Voilà, on verra un peu, du coup, juste le constat, en tout cas, que FIAN fait sur l'agriculture, le monde agricole aujourd'hui. Et puis, nous aurons alors les avis de Christine Gonnet pour la foi et de Vanessa Martin pour la fougère. Voilà, et on arrêtera là, donc là, pour les constats. Et puis, on aura un échange, alors, tous ensemble, avant le repas de midi. Alors, chers intervenants, donc, je vais donner la parole à Benoît Huizen, qui, a priori, a 10 minutes devant lui. Donc, je propose qu'à la mi-temps, je lui mette un carton orange, et que quand il lui restera une minute, et qu'il doit conclure, bon, j'avais pas envie que ce soit rouge, et j'aime bien le rose, personnellement, donc j'ai pris un carton rouge. Donc quand vous voyez le rose, c'est qu'il tente de conclure. Voilà, la parole à Benoît Wizen. Merci Benoît. Donc comme vous l'avez bien dit, je vais essayer de faire des analyses de chiffres. Alors évidemment, les chiffres, c'est sexy pour certains, c'est barbant pour d'autres. Je vais essayer de vous présenter la quête essence. De toute façon, la personne qui serait intéressée éventuellement d'avoir des chiffres plus précis ou des données plus précises peut me contacter. Je vais vous dire clairement, donc c'est pas des chiffres que j'ai inventés, ça vient des statistiques agricoles et ça vient des données de comptabilité. Alors, oui, je vais faire un petit signe comme ça. Voilà. Donc, j'ai voulu volontairement travailler sur la période actuelle. Je ne me suis pas arrêté au Pays de l'Èvre pour une simple raison, c'est qu'au niveau des statistiques agricoles, soit vous avez des données par commune, soit vous avez des données par arrondissement et encore pas chaque année, soit vous avez des données par région agricole ou par province. Et donc, personnellement, je me suis dit qu'il était plus intéressant de réfléchir sur la région agricole, région herbagère-liégeoise, qui intègre le Pays de l'Èvre, mais qui va aussi sur Sprimont, Stoumont, etc. Et la Haute-Ardenne, donc ça évite Gouvy, je veux dire, voilà. Donc, c'est les deux régions qui nous intéressent plutôt au niveau de l'arrondissement de Verviers, en sachant que au niveau du Pays d'Èvre, au niveau de la région herbagère-liégeoise, il y a une partie de l'arrondissement de Liège, ce côté-ci de la Meuse, qui intervient. Mais bon, voilà. Je me suis basé sur les chiffres actuels, mais également sur les chiffres de 80, pour un certain nombre de raisons. Premièrement, c'est quand j'ai commencé à travailler, donc il y a déjà quelques années. Deuxièmement, on va en parler plusieurs fois, c'est le début des quotas laitiers, donc d'une nouvelle agriculture, donc voilà. Et bon, 80-2018, il y a quand même déjà un certain nombre d'années qui sont là pour voir une évolution. Vous avez là donc le nombre d'exploitations, région Wallonne, région herbagère liégeoise, Haute-Ardenne. Donc nous avons au niveau de la région herbagère liégeoise aujourd'hui 1297 exploitations qui sont recensées à l'Institut national des statistiques, 58 000 hectares, 117 000 bovins, 47 000 vaches laitières, 10 000 vaches allaitantes. Donc pour les gens qui ne sont pas spécialistes, donc les vaches allaitantes, c'est les vaches ou les veaux têtes, et donc on ne naîtrait pas. 57 000 porcs et 338 000 volailles. Suivant. Donc j'ai repris là les évolutions entre 80, bon j'ai 80-2018, puis 2000-2018, mais on va s'arrêter uniquement sur 80 pour être plus rapide. Deux choses interpellantes, donc j'ai chaque fois gardé la région wallonne et puis la région herbagère, puisque la région wallonne ce n'est pas que de l'herbage, c'est aussi des cultures, dans certaines régions style Ice Bay, etc. Et donc en fait, quand on regarde la diminution du nombre d'exploitations, elle est plus importante en région herbagère, vous voyez 26% des fermes en 2018 par rapport à 80, alors qu'on est à 34% en région wallonne. Donc il y a une diminution plus importante du nombre d'exploitations dans ces régions-ci, Ardennes et région herbagère. Vous regardez la dimension des fermes. Vous voyez que là, les fermes de moins de 5 hectares, le nombre est relativement infime. Par contre, et on le voit très fort, le nombre d'exploitations de plus de 50 hectares, il a augmenté de 76% en région wallonne. Mais par contre, en région herbagère, il a pratiquement septuplé, donc fois 7. Et en Haute-Ardenne, les fermes de plus de 50 hectares, on est à 128% en plus qu'en 80. Donc vous voyez là une évolution très forte des dimensions des fermes. Quand on regarde la SAU, alors qu'on dit qu'on perd des terres, mais on est bien dans une réflexion de terres recensées au recensement agricole, vous voyez qu'en fait, en région wallonne, il y a 6% de terres en moins, donc d'hectares en moins qu'en 80. En région herbagère liégeoise, en 86, au Tardin, 97. Par contre, vous voyez des évolutions dans les structures de terres, donc les terres labourées ainsi que les terres de maïs. Vous voyez que ce soit en région herbagère, mais surtout au Tardin, une explosion du nombre d'hectares de maïs. Il est clair qu'en région Haute-Ardenne, il n'y avait quasi pas d'hectares de maïs en 80. Il y en a évidemment nettement plus maintenant. Suivant. Si on regarde les évolutions, il y a des choses interpellantes aussi. Regardez le nombre de fermes avec bovins. Elles diminuent beaucoup plus fortement en région herbagère qu'en région wallonne. Les exploitations avec vaches laitières, vous voyez qu'on est à 20%. Donc il y a un paquet de fermes en moins qui tiennent du lait. Par contre, au niveau des vaches allaitantes, il y a un paquet de fermes en région herbagère et en Haute-Ardenne qui tiennent des vaches allaitantes. La problématique de la viande, on va l'aborder, qui pour moi est beaucoup plus grave que le lait. On n'est pas en région viandeuse, mais la viande, c'est une véritable catastrophe. Il y a à réfléchir à ce niveau-là. Exploitation avec les pots, vous voyez que c'est aussi très faible. Par contre, l'exploitation, on va le voir par après, page suivante, Donc vous voyez l'évolution des volailles, des bovins, vous voyez qu'il y a un paquet de bovins en moins. Par contre, beaucoup de vaches allaitantes en plus. Beaucoup plus de volailles. Et vous voyez qu'on est à pratiquement 4 fois plus de volailles, 4 fois et demi plus de volailles de 80 à 2018. Et dans certaines régions, énormément plus. Par contre, les ports régionaux, ça diminue très fort. Il y a aussi une réflexion là derrière. Ben, c'est, les volailles, c'est souvent des volailles à commission. C'est des grosses quantités dans des unités industrielles qui étaient peut-être en Flandre, qui sont venues en Wallonie. Mais voyez cette évolution. Suivant. Donc, on est dans une réflexion au niveau statistique qui m'interpelle très fort quand je vois l'évolution de la structure au niveau des structures, au niveau pas de problème, il en reste deux, d'évolution des structures au niveau de la région wallonne et l'évolution des structures dans cette région herbagère liégeoise où on a des herbages et ces herbages c'est pratiquement uniquement l'utilisation par des animaux. On voit que la diminution du nombre de bêtes, la diminution du nombre d'agriculteurs, etc., est beaucoup plus importante en région herbagère qu'en région wallonne. Donc si vous avez la région wallonne qui est plus haute que la région herbagère, ça veut dire que dans d'autres régions, les problèmes sont moins graves. Et donc, je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas graves, donc ils sont moins graves. Mais donc ça veut dire que, et moi personnellement, travaillant ici sur le Pays d'Herve, je me pose beaucoup de questions sur le futur de l'herbage. C'est clair que demain, qu'est-ce qu'on va faire avec cette herbe? Ce n'est pas les gens qui vont manger l'herbe, donc ça doit être des herbivores. Et donc, il y a toute une réflexion à porter à ce niveau-là, et on voit que depuis 80 maintenant, on a une évolution qui n'est pas dans le sens qu'on pensait de cette utilisation, je vais dire, par les animaux. Bon, on a une diminution de charge, et aujourd'hui, dans certains coins, on voit des abandons de terres. Je prends l'exemple parce que j'ai eu l'occasion de discuter un jour avec l'ancien échevin de Holm qui paniquait sur sa commune en voyant certains terrains qui étaient laissés à l'abandon avec des années de sécheresse, etc. Il me dit ça peut prendre feu pour un oui ou pour un non. Ces terrains qui étaient peut-être déclarés mais qui n'étaient plus utilisés. Voilà. Donc, tous des terrains qui sont un peu limites ne sont plus utilisés. Évidemment, quand tu as une terre bien plate, elle sera labourée et elle sera utilisée. Mais les terres qui ne sont pas, ça va poser problème. Donc ça, c'est au niveau des structures et au niveau de la réflexion des statistiques bêtement, entre guillemets, agricoles. Alors, maintenant, on aborde un peu de données économiques. C'est des données, en fait, qui proviennent des comptabilités de gestion. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais il est clair que les personnes qui faisaient la comptabilité de gestion en 85 ne sont pas nécessairement les mêmes qui la font en 2017. Donc, il y a une évolution du type de ferme, bien que certains, et je vois des gars comme Paul Diefels et autres, ils le tiennent déjà depuis un certain nombre d'années, mais donc il y a une évolution évidemment dans le type d'exploitation, mais n'empêche. Donc si on regarde l'évolution au niveau de non-comptabilité de gestion, donc ce n'est pas de la statistique, INS, mais donc au niveau de non-comptabilité, donc on passe en 90 d'une ferme moyenne de 21 hectares par unité de travail. On est à 1,58 unités de travail par ferme, donc 21 hectares par unité de travail. On est en 2017 à 40 hectares par unité de travail et on est à 1,75 unités de travail. Donc c'est les comptabilités du pays de Herve. Si on regarde le nombre de vaches traites, puisque c'est principalement les vaches traites qui sont exploitées dans nos comptabilités, nous étions à 34 vaches traites par unité de travail en 90, on est à 57 vaches traites aujourd'hui par unité de travail. Avec 1,75 unité de travail, donc on a des fermes qui tournent autour de 80 en moyenne, 70-80 vaches. Donc on voit une évolution du nombre de vaches, une évolution du nombre d'hectares. Le nombre d'hectares a évolué pour un certain nombre de raisons, mais entre autres pour des raisons administratives. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des obligations, je vais dire, de taux de liaison au sol, etc. Et en fait, on a constaté une diminution de la charge. Donc la charge est beaucoup plus faible aujourd'hui par hectare qu'elle l'était dans les années 80. Vous voyez que le nombre d'unités de travail par exploitation qui font la comptabilité a tendance à augmenter. Alors, bon, on ne va pas ouvrir un débat parce que ça risque d'être un peu limite, mais donc nous partions de l'hypothèse, et l'agriculteur masculin partait de l'hypothèse, que la femme qui travaillait sur la ferme, c'était une demi-unité de travail. Donc, comme vous avez 1,58, c'est le couple mari-femme. Depuis un certain nombre d'années, on a demandé de mettre le nombre d'heures de travail pour chaque personne. Et donc, un certain nombre de dames ont dit, on fait plus que 4 heures par jour. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve parfois avec des 8 heures par jour pour un conjoint. Et donc, on se retrouve à deux unités de travail, alors que si on nous aurait laissé faire, on aurait compté une unité et demie. Donc, il est possible que le 1,75 vient simplement du fait que, je veux dire, il y a eu une évolution dans la réflexion du travail de madame, tout à fait logique et correcte. Mais un autre paramètre qui est pour moi assez interpellant, c'est le capital investi hors terre. Donc on enlève les terres du capital. J'ai repris, en fait, évidemment en 85, c'était pas les euros, c'est toujours les francs belges, mais j'ai transformé en fait les valeurs euros, c'est les valeurs réelles de 85 en euros. Donc en moyenne, on était à 80 000 euros par unité de travail d'investissement. Aujourd'hui, on est à 276 000. Alors, vous allez voir par après, évidemment, l'euro ou le franc de 85 n'a pas la même valeur que l'euro d'aujourd'hui. Nous avons, au niveau comptable, une notion qu'on appelle le revenu paritaire. Donc, c'est un revenu qui est censé, je veux dire, couvrir tous les frais, etc. Donc, en 85, on était à 20 600 euros de revenu paritaire. En 2017, nous sommes à 47 500. Donc, en gros, il faut faire x2,26, je vais dire, pour avoir la valeur, si on part du principe que le revenu paritaire a suivi l'indexation, etc. Donc, nous devons multiplier par 2,26 la valeur de 85 pour voir la valeur d'aujourd'hui. Donc, si nous faisons 2,26 fois 80 000, nous sommes à 170 ou 180 000. Donc, vous voyez que l'investissement actuel est nettement plus important que l'investissement, je veux dire, en euros constants de 85. Autre chose importante aussi, et ça c'est pour moi un gros, on va en parler très fort, mais un gros problème, c'est qu'en fait le faire valoir direct ou les hectares en propriété est relativement faible au niveau de nos exploitations. Et vous voyez que ça n'évolue pas très fort. Les exploitations agrandissent, mais pas nécessairement avec des terrains en propriété. Donc en moyenne, on est aux alentours de 30% de faire valoir direct. Donc ça veut dire qu'en fait, en gros, un agriculteur aujourd'hui est propriétaire de 12 hectares. Les autres hectares sont soit propriétés d'anciens fermiers, donc des gars qui ont arrêté, soit propriétaires, et c'est souvent le cas ici, de familles, mais avec peu de terrain. C'est rarement, je veux dire, un gros propriétaire foncier qui a des centaines d'hectares. Et donc, dans cette réflexion, c'est aussi une réflexion à avoir, parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a de la spéculation, et de la spéculation parfois par des gens qui sont du milieu agricole. Je vais prendre un petit coup de gueule, je sais qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais vers du pays de Herve, fout le bordel sur les loyers au niveau du pays de Herve. Ouais, passons, on parlera après. Suivant, voyez là les prix, donc les prix du lait, et là, il faut constater que le prix payé à la laiterie ou prix payé le lait, en 85, on était à 29 euros les 100 litres, on est à 36 aujourd'hui. Si on prend le prix de 29 euros à la valeur d'aujourd'hui, le lait devrait être payé à 65 euros. Vous voyez que les coûts d'alimentation ont augmenté, mais moins fort que ce qu'ils n'auraient dû augmenter s'ils avaient suivi l'inflation. Vous voyez les frais fixes, mais c'est logique parce que les capitaux investis ont également augmenté. En fait, en réalité, l'agriculteur a gardé, entre guillemets, un certain revenu par une économie d'échelle en augmentant les productions. Et vous voyez que le revenu pour la main-d'œuvre par litre de lait a diminué fortement. Donc on passe de 12,90 € en 85 à 9,20 €. On arrive entre guillemets à subvenir simplement parce que on a augmenté le nombre de litres. Mais c'est assez interpellant. Et alors, deux paramètres qui sont très très interpellants, et là aussi ça peut montrer la démotivation de certains, c'est le prix des veaux. Le prix des veaux, 85, c'était 185 euros. Le prix des veaux, en 2007, c'est en moyenne 133 euros. Si on voulait avoir le prix réel, inflation comprise, on devrait être à 418 euros. Prix des marges de réforme, identiquement le même. C'est clair qu'aujourd'hui, vous voyez des gars qui sont hyper démotivés. On a eu une réunion la semaine dernière. Le gars me dit, écoute, je me réveille depuis 30 ans, toutes les nuits, pour les vélages. Donc, je n'ai pas fait un vélage sans me réveiller. Donc, voilà. Il y a 20 ans, ça valait une certaine valeur. J'avais au moins j'étais heureux de voir mon veau aujourd'hui. Pour l'instant, les veaux partent à moins de 50 euros. Et donc, on est dans une situation où la motivation, évidemment, il n'y a pas que les finances, d'accord, mais quand les finances ne sont pas là, ça pose problème. Donc, vous voyez ici une évolution des revenus, une évolution des prix, une évolution des structures. Donc, on m'avait demandé de faire en 10 minutes une situation. Évidemment, on va avoir d'autres choses, mais ici, c'est une constatation, une bête constatation, entre guillemets, chiffrée. Et donc, si vous voulez plus d'infos, les statistiques sont là, faites pour nous aider. Merci Benoît. Donc oui, après le repas, on voit les perspectives. Parce que là, c'est un peu brut de décoffrage, évidemment. Donc n'oubliez pas de rester l'après-midi, ça ira mieux, peut-être qu'on se sentira mieux. Mais voilà, alors, c'est très difficile de couper, d'interrompre, on a dépassé déjà un peu le temps, mais c'est quand même intéressant et important de poser le cadre. Et quand même, là, il a été vite, hein. Enfin, parce que moi, j'ai plein de questions. Enfin, c'est, voilà. Heureusement, j'ai l'occasion de voir Benoît de temps en temps. Mais voilà, pour ne pas perdre de temps, en plus, je donne la parole à Henri Leclou, qui lui déjà m'a dit qu'il serait un peu plus long que 10 minutes, donc je vais quand même essayer de gérer. Bonjour à tous. Voilà, je vais essayer quand même d'être respecter les temps, mais en fait, voilà. Donc, on vient de prendre connaissance un petit peu de la réalité d'aujourd'hui, avec ce qu'on peut constater, c'est l'effondrement des fermes de... ferme familiale, quoi, ferme à taille humaine, dans notre région. Ce que je vais essayer de démontrer, c'est que ce n'est pas une fatalité. Et pour cela, je vais un peu refaire un petit historique de la PAC. Oui. Parce que pour cela, il me paraît important, c'est important pour moi de comprendre certaines décisions qui ont été prises précédemment et qui auraient pu, si elles avaient été appliquées différemment, permettre un revenu digne, et ce sur le long terme, comme on aurait pu l'attendre des instances politiques. Je considère que la décision des pères fondateurs du marché commun de co-signer le traité de Rome le 25 mars 1957 était justifiée et pleine de promesses. Leur objectif était de construire une Europe de paix où tous les citoyens bénéficiaient d'une nourriture en suffisance. Leur leitmotiv était plus jamais la guerre, plus jamais la faim. Je pense que c'est important de se remémoriser cela, parce que c'était une réalité. Or, apporter une nourriture saine reste aujourd'hui toujours actuelle, de même que créer du lien entre toutes les personnes. Au départ de la PAC, leurs objectifs étaient une vision protectrice pour les agriculteurs et pour les citoyens. Je rappelle ces quatre priorités: accroître la productivité, assurer un revenu de vie équitable à la population agricole, stabiliser les marchés, garantir la sécurité alimentaire à des prix raisonnables pour les consommateurs. Avec les progrès techniques, la mécanisation et les politiques menées, l'autosuffisance alimentaire a été acquise déjà en 1970 et même déjà dépassée. L'Union européenne a dès lors été à ce moment-là déjà confrontée à des excédents importants, avec une explosion des budgets. Et pour éliminer les montagnes de beurre et de poudre dans les années, fin des années 70, nous sommes entrés dans un système de contingentement. L'arrivée des quotas laitiers en 1984 a permis de stopper l'hémorragie budgétaire et d'enrayer une partie des productions d'excédents. Cette décision a été imparfaite sur deux points. Le premier, c'est la transmission payante des quotas. Elle aurait pu ne pas être monnayable. Cela a affecté particulièrement les jeunes qui ont été confrontés à ces rachats de quotas, ce qui a entraîné un endettement supplémentaire à la reprise. Il faut rappeler que la France avait un système par laiterie lié à la surface. Cela a permis aux agriculteurs français d'éviter ce problème. Le deuxième point négatif, c'est que la fixation des quotas a été fixée 10% au-dessus des consommations européennes. Cela a pérennisé la continuité de la production d'une partie des excédents. Cependant, il faut admettre que ce système de quotas a permis, d'une part, de contenir les budgets de la PAC à des niveaux raisonnables, et d'autre part, de maîtriser les volumes de production, surtout d'obtenir un prix du lait acceptable pour les producteurs. Deux tournants de la PAC très importants. Le premier, c'est celui de 1992, où il faut, pour ceux qui s'en rappellent, c'est la réforme McSharry, qui a entraîné l'alignement progressif des prix agricoles sur les marchés mondiaux. Dans cette réforme, la baisse des prix est compensée par des primes à l'hectare. Une autre de ces mesures phares a été le gel des terres de 10% des terres céréalières. Nous entrons ainsi dans une autre ère où les agriculteurs revendiquent des primes à la place des prix. Cela a entraîné l'abandon du quatrième principe fort du traité de Rome, à savoir la préférence communautaire. Ce principe dictait que chaque pays adhérent achetait de préférence à son voisin participant à l'Union. Le deuxième tournant important, c'est la constitution de l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, celui-ci couvre un grand nombre de domaines, comme les services, la propriété intellectuelle, d'où l'agriculture et bien d'autres. La nourriture devient une marchandise, comme des savonnettes et des voitures. Ces règles sont contraignantes, c'est-à-dire que vous êtes susceptible de passer devant un tribunal d'arbitrage si vous dérogez. De plus, dans cette vision, celui qui produit au moins cher remporte le marché, et cela sans tenir compte d'autres critères. Les critères sociaux et environnementaux ne sont pas pris en compte. Cela a entraîné la suppression de toutes les protections pour laisser le marché seul faire les prix. Toutes les réformes de la PAC qui ont succédé à la constitution de l'OMC l'ont été pour se conformer aux règles de l'OMC. En ce qui concerne le lait, c'est en 2003, lors de la troisième réforme de la PAC, dite à la révision à mi-parcours, qu'il a été décidé de mettre fin au quota laitier en avril 2015. En 2009, il y a une première crise du lait. À cette époque, en Belgique, le prix du lait descend jusqu'à 19 cents. Cette crise est vécue dans la souffrance pour tous les producteurs. Elle est illustrée dans le film Il a plu de Jean-Jacques Andrien, qui nous montre l'épandage de 4 millions de litres de lait dans le champ à Sinet. À cette époque, la Commission n'a rien voulu entendre de ces cris de douleur. La commissaire, Mme Fischer-Boll, danoise, a proposé, malgré l'invitation à la prudence de Michel Barnier, alors ministre de l'Agriculture, de confirmer la fin des quotas laitiers pour 2015. Elle prend la décision non pas de réduire les volumes de production de chaque producteur de quelques pourcents, mais au contraire d'augmenter les volumes à produire de 2% pour chaque quota, puis de 1% chaque année jusqu'à 2015, avant la fin du régime. Cette mesure, je la considère comme l'une des mesures les plus graves, une des erreurs les plus graves qu'elle restera dans les annales des politiques agricoles européennes. La Commission s'intéresse aux productions et pas à ses producteurs. Je pourrais souligner trois fois cette phrase. La Commission s'intéresse aux productions et pas à ses producteurs. À l'échelle de toute l'Union européenne, vont vivre une véritable catastrophe humaine des plus prégnantes, avec la remise en question de leur façon de travailler, mais aussi l'abandon du métier, la décapitalisation, la remise des dettes, les faillites et les suicides. À la veille de la suppression des quotas laitiers en avril 2015, beaucoup d'instances ont expliqué, ou plutôt fait miroiter aux producteurs de lait, que leur ciel était radieux, que les quotas les avaient bridés, qu'il y avait des opportunités en Chine et dans d'autres pays extra-européens. Leur discours était « produisez plus, vous gagnerez plus ». Tel était leur maître mot. Et cela ne s'est pas fait attendre. Cette euphorie a été trop bien comprise dans les pays à tradition laitière, conséquence d'une nouvelle surproduction et pour quelques pays une croissance à deux chiffres, mais aussi une chute du prix du lait. Et comme vous avez connu, une nouvelle manifestation à Bruxelles avec 1500 tracteurs, 7000 producteurs qui vont crier leur détresse, voire leur colère. Nous sommes à nouveau devant cette nouvelle crise du lait où un producteur sur deux travaille à perte, dont les jeunes producteurs endettés par la reprise de leur ferme. Cela signifie non seulement qu'ils ne gagnent pas assez pour nourrir leur famille, mais qu'ils perdent en plus de ce qu'ils produisent. Et pourtant, face à cette réalité, le commissaire Hogan nie la crise. Il prétend qu'elle est passagère et fait confiance aux forces du marché pour retrouver l'équilibre en misant sur une réforme des prix aux producteurs, une remontée des prix aux producteurs. Parallèlement, les stocks de poudre de lait crémé s'accumulent. Ils vont grossir lors du troisième et quatrième trimestre 2015, durant toute l'année 2017, pour atteindre 375 000 tonnes. Une autre erreur de la commission, du commissaire et de la commission a été de n'avoir pas anticipé cette crise et d'avoir attendu de nombreux mois afin d'enclencher des mesures de réduction volontaire de la production. En effet, ce n'est qu'en juillet 2016 que la Commission met en route ce programme de réduction pour 3 mois, débutant en 2016. La très bonne participation des éleveurs à ce programme a permis de faire remonter les prix et de limiter davantage le recours au stock public. Cependant, la confiance aveugle aux forces du marché comme régulateur est une fois de plus mise en évidence. Elle se fait toujours au détriment des producteurs et des deniers publics. Une autre erreur de la stratégie gâtée, l'écoulement des stocks de poudre de lait. Je vais un peu raccourcir parce que je pense que voilà, ils avaient trois possibilités, soit l'aide aux les plus démunis via l'alimentation animale et l'appel d'offres. La commission n'a choisi que l'appel d'offres. Pourquoi pas d'autres solutions? Je pense qu'on a bien compris que jusqu'en début 2018, il n'y avait aucune vente qui s'est opérée. Oui, depuis au début 2018, les ventes de ces stocks de poudre ont été accélérées. Donc, dire que l'existence de ces poudres de lait a pesé sur les prix du lait et l'a tiré vers le bas. Il aurait été préférable qu'il n'existe pas, ce qui serait produit si la Commission avait anticipé la crise. Si au mois de septembre, en moins de 2018, en pleine sécheresse, au moment où la production a commencé à diminuer, la Commission avait pu envoyer un signal fort, suspendant provisoirement les ventes, et aurait donné un signal de rareté aux opérateurs, ce qui aurait entraîné une remontée des prix chez le producteur. La Commission se serait alors placée du côté des producteurs et des contribuables, et non des opérateurs industriels. Or, c'est la voie contraire qu'elle a choisie. Elle a voulu à tout prix se défaire de ses stocks et quitte à les brader, ce qu'elle a fait. Nous savons donc que ces stocks de poudre ont bien été vendus, mais à qui et pour quelle destination la Commission reste muette. Il est cependant tentant d'établir un parallèle avec les fournitures avec les exportations de lait en poudre enrichi d'huile de palme, vendues en Afrique de l'Ouest notamment, comme lait local, à des prix trois fois moins chers que les prix produits sur place. Comment ? Dès lors, ne pas entendre le cri de désespoir de ces producteurs qui nous disent « ces exportations nous tuent ». Et je fais écho à la table ronde du 9 avril 2019, lors des 72 heures du lait de Bruxelles. Suite à cela, ils n'ont eu aucune autre alternative, ces producteurs d'Afrique de l'Ouest, que d'aller grossir les bidonvilles et pour certains de tenter de venir en Europe qui n'en veut pas. En conclusion, je vous ai fait part qu'à plusieurs reprises, la Commission aurait pu faire autrement. Comment ? En 2019, elle aurait pu se servir des quotas en vigueur et de diminuer de quelques pourcents les volumes produits dans chaque ferme afin de revenir en équilibre entre l'offre et la demande et de soutenir les prix. En 2015, fin des quotas laitiers, or ce régime aurait pu être amendé au lieu d'être supprimé, comme le répète André Filmin dans son livre « L'Europe laitière », l'Union européenne a tout fait pour les rendre inefficaces et les décrier. En 2016, nouvelle crise suite à la surproduction massive, la Commission aurait pu anticiper et éviter cette crise si elle avait déclenché un an plus tôt des mesures de réduction volontaire, voire obligatoire. Elle aurait pu ainsi éviter l'accumulation des stocks de poudre. Faut-il rappeler que ceux-ci ont plombé le prix du lait pendant plus de deux ans. En 2018, la Commission a décidé de liquider ses stocks de poudre uniquement par appel d'offres. Or, elle aurait pu diversifier ses opérations. Elle a donc choisi de liquider ses stocks à tout prix en les bradant, et cela au profit des industriels. Faut-il rappeler que la Commission reste muette quant à la destination de ses poudres? Par ailleurs, quelle est la valeur nutritive de ces poudres enrichies ou appauvries avec de l'huile de palme? Quand nous savons que, vu son prix très bas, elle sera donnée à des nourrissons sans que cela pose problème. La politique laitière aurait pu être différente à de nombreux moments de notre histoire récente. Si les choix faits avaient mis le producteur à sa juste place dans les décisions, il aurait fallu pour cela qu'elle veille à lui assurer un revenu digne sur le long terme, veiller à avoir de nombreux paysans répartis sur tous les territoires de l'Union européenne, avoir les tailles humaines, voire plus facilement transmissibles. La situation que nous vivons actuellement n'est pas une fatalité. C'est bien un choix de modèle qui est à faire. Pour cela, il faut un pilote de l'avion. Ce pilote ne peut pas être les forces du marché. La prise en compte d'autres enjeux, notamment sociaux et environnementaux doit entrer en considération. Et là, je vous laisse ma collègue vous en parler. Merci de votre attention. C'est pas mal. C'est presque ce que j'ai abandonné le 1 minute, parce que j'ai bien vu que ça ne servait à rien. Voilà. J'avais prévenu, hein, que je savais bien que je n'aurais pas non plus le poids escompté nécessairement. Hein. C'est pas grave. Hein. Voilà. Mais voilà, on continue dans les constats. Hein. C'est pas plus réjouissant, évidemment. Désolé. Et donc, voilà, on va donner la parole, du coup, à Astrid Bougedor, qui vient d'être introduite déjà par Henri Leclou, Et donc, je vais lui accorder aussi 10 minutes, si possible. Bonjour à tous et merci de m'accueillir à Wellgenrath. Je travaille pour Fian Belgium, qui est une ONG qui consacre son travail à la lutte pour le droit à l'alimentation et la nutrition. Du coup, la question que je propose de discuter ensemble aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'il faut un changement fondamental des systèmes agricoles et alimentaires dans l'Union européenne ? Je crois qu'on a eu déjà des éléments de réponse. Et je propose de poursuivre la discussion avec une analyse un peu de quels sont les symptômes qu'on observe de nos systèmes agricoles et alimentaires aujourd'hui. Alors, selon les chiffres récents, donc c'est le rapport SOFI chaque année qui nous dit quel est le niveau de la faim dans le monde, donc le rapport qui a été publié en juillet. Nous annonce encore des niveaux de faim très élevés avec la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Qui sont à la hausse et qui sont entraînés par des niveaux d'inégalité qui ne sont pas viables au sein des pays et entre les pays. La faim, comme la pauvreté, demeure un problème qui est essentiellement rural. Il faut savoir que ceux qui produisent notre alimentation, ce sont aussi ceux qui souffrent le plus de la faim dans le monde. Alors que la production mondiale est largement suffisante pour nourrir l'ensemble de la planète, plus de 700 millions de personnes vivent dans des zones rurales souffrent encore de la faim aujourd'hui. Partout dans le monde, donc la gouvernance multilatérale, les obligations des États en matière de droits humains et la primauté des rôles normatifs et réglementaires sont attaquées. Et donc, on est dans une situation de gouvernance alimentaire mondiale qui est vraiment mise à mal. Donc, je propose de faire une analyse un peu thématique sur quels sont les impacts qu'on observe avec une entrée environnementale, ensuite les impacts sur la santé et les impacts socio-économiques. Donc, tout d'abord, les impacts environnementaux. Il faut savoir que chaque année, l'Europe perd 970 millions de tonnes de sol, c'est-à-dire que plus de 11% du territoire européen est touché par une érosion des sols modérée à sévère. Les pesticides et les engrais azotés ont provoqué des impacts sans précédent sur la vie des plantes et des insectes. Donc, cette perte de biodiversité, elle met en péril un ensemble de services écosystémiques comme la pollinisation de nombreuses cultures qui vont entraîner donc une menace pour les rendements futurs. Environ 30% des émissions de gaz à effet de serre sont causées par les systèmes alimentaires et agricoles mondiaux. 31% des terres qui sont requises pour satisfaire la demande de l'Union européenne se trouvent en dehors de l'Europe. C'est-à-dire que chaque année, l'Europe va importer un grand nombre de matières premières. On cite souvent le soja, la viande, l'huile de palme. Et donc, toutes ces cultures-là, elles proviennent en majorité de pays du Sud, le soja en grande partie d'Amérique latine. Et on constate des cas impressionnants de déboisement, de violation des droits humains, d'intoxication aux pesticides. Voilà, toutes des conséquences qui vont avoir des retombées. Enfin, ces importations vont avoir des conséquences fortes aussi dans les pays du Sud. Les impacts sur en d'autres termes, oui, ce que je voulais dire, c'est que du coup, l'Union européenne, elle externalise énormément son empreinte environnementale, en fait, de plus en plus, puisque ces systèmes alimentaires sont fortement dépendants des terres situées en dehors de l'Union européenne. Et à tous ces impacts, on ajoute aussi le fait que près de 20% de la nourriture qui est produite dans l'Union européenne va être perdue ou gaspillée au fil du système. Les impacts environnementaux des systèmes alimentaires et agricoles vont également menacer la santé humaine par différents biais. Pardon. Dans l'Union européenne, l'agriculture est responsable de 90% des émissions d'ammoniac qui contribuent fortement à la pollution de l'air et qui vont tuer chaque année 40 000 Européens. La résistance aux antimicrobiens, l'exposition aux perturbateurs endocriniens présents dans les aliments et les emballages, la pollution de l'eau due aux activités agricoles vont engendrer également d'importants coûts sur la santé. Les systèmes alimentaires ont également des impacts liés avec l'évolution des régimes alimentaires. Plus de 50% de la population européenne aujourd'hui est en surpoids et plus de 20% est obèse. Ces mauvais régimes alimentaires sont le principal facteur des risques de maladie et de mortalité en Europe aujourd'hui. Et ils vont toucher évidemment plus durement les populations les plus démunies. Donc ces mauvais régimes alimentaires qui sont responsables de la moitié des maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, un Européen sur quatre est menacé de pauvreté ou d'exclusion sociale. Et ce sont donc ces personnes qui vont être les plus fragiles et qui vont être les plus en difficulté pour avoir accès à une alimentation saine et de qualité. Les impacts socio-économiques. Dans le contexte actuel, avec les grands déséquilibres de pouvoir, de mondialisation, d'accélération des échanges, les mauvaises conditions de travail et la précarité de ces emplois sont devenues monnaie courante dans les systèmes alimentaires. 70% du secteur agrochimique mondial est désormais entre les mains de seulement 3 entreprises. Et jusqu'à 90% du commerce mondial des céréales est contrôlé par 4 multinationales. Donc on a une concentration très forte du pouvoir de décision et donc une pression qui va être exercée sur la force de travail. Tout au long des chaînes d'approvisionnement, les acteurs dominants ont donc été en mesure de tirer les prix vers le bas et les conditions de travail également vers le bas, qui entraîne donc des répercussions néfastes pour les travailleurs, migrants, saisonniers, les employés, tout au long de la chaîne en fait, du secteur alimentaire. Les agriculteurs, plus particulièrement, payent le prix fort, puisque dans l'Union européenne, ça a déjà été dit dans la première présentation, la part de la valeur dans la chaîne alimentaire qui va à l'agriculture ne fait que diminuer. Elle était à 31% en 1995, maintenant on est passé à 21%. Donc les agriculteurs font face à une hausse des prix des intrants et à l'inverse, leur revenu ne fait que diminuer, ce qui a bien été présenté dans les témoignages de la vidéo. On assiste aussi à une disparition des fermes. C'est vraiment un résultat de la politique agricole commune qui est une disparition des fermes et une concentration des terres. Les exploitations maintenant sont de plus en plus grosses et de moins en moins nombreuses. On a aussi un élément dont il faut tenir compte, c'est le vieillissement de la population et un grand nombre d'agriculteurs qui vont arriver à l'âge de la pension et qui ne seront pas forcément remplacés. Donc on a aussi une perte de la population. Et puis aussi, dans le mode de vie, l'évolution des habitudes de préparation, de consommation, ont entraîné aussi une déconnexion entre les consommateurs et les agriculteurs. Et une connaissance de la production alimentaire qui est devenue une moins bonne connaissance, en fait, sur la saisonnalité des fruits, des légumes. Et on assiste à une perte de confiance avec des scandales qui sont de plus en plus nombreux. Et du coup, les gens ne font plus confiance, en fait, au système agricole qui les nourrit. Voilà, donc c'est un peu un panorama des différents éléments. Et on m'avait demandé de prendre des exemples sur comment cette situation va avoir des retombées directes dans les pays du Sud. J'ai choisi 3 exemples, il y en a plein d'autres, et je pense que vous en connaissez aussi. Un des exemples qui est particulièrement pertinent pour la Belgique, c'est celui des agrocarburants. Il faut savoir que l'Union européenne a une politique de soutien, une politique active de soutien aux agrocarburants. Il y a une directive en 2003 qui a été revue en 2009, où vraiment on va inciter les États membres à introduire de plus en plus d'agrocarburants et avec des objectifs chiffrés. Il faut savoir que cette course aux agrocarburants a été en partie responsable de la volatilité extrême du prix des matières premières qui composent ces agrocarburants, qui ont causé les crises alimentaires de 2007, 2008, 2011. Et malgré tous les impacts négatifs qui ont été démontrés sur l'utilisation de ces agrocarburants, et il y a eu des recommandations des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, enfin, ça a été largement documenté, la Belgique et l'Union européenne continuent de soutenir le développement des agrocarburants et c'est encore un sujet récent qui a été repris par la ministre fédérale sur il faut plus d'agrocarburants aujourd'hui. Un autre exemple est une campagne qui a été menée par SOS Faim cette année sur la surproduction du lait, qui a aussi été évoquée par Henri, où on a cet exemple du lait produit en Europe, donc à bas coût, en trop grande quantité, et donc on va retirer la matière grasse laitière pour la transformer en beurre, qu'on va pouvoir vendre à bon prix en Asie, et ensuite ce qu'il en reste, la poudre à laquelle on va ajouter de l'huile de palme et ensuite déverser sur les marchés locaux en Afrique. Et donc à la fois on se retrouve avec un produit de très mauvaise qualité à bas prix qui va venir concurrencer le lait qui est produit localement, et donc il n'y a aucune possibilité d'être concurrentiel, ni même sur lequel finalement on ne va pas pouvoir mettre en avant la vraie différence nutritionnelle de ce lait. Et puis enfin, l'exemple du soja, qui est bien connu comme étant, Pour le coup, c'est Greenpeace qui a fait un rapport récemment qui montre les millions de tonnes de soja qui vont être importées pour l'alimentation animale et donc l'impact que ça va avoir sur place en termes de déforestation et d'utilisation d'espace en fait, pour nourrir le bétail ici en Europe. Voilà. Donc, juste pour conclure cette première partie, notre modèle agricole et alimentaire aujourd'hui est un modèle qui est fortement dépendant, très spécialisé, ultra spécialisé, industrialisé, financiarisé, standardisé et axé sur l'exportation. Et ce modèle n'a de cesse de générer des coûts cachés, c'est ce que j'ai essayé de démontrer sur les différents aspects. Et ces coûts cachés, bien sûr, ne sont pas inclus dans les prix de vente, mais ils vont être répercutés sur les populations aux quatre coins du monde, ici, mais aussi dans le sud, et surtout sur les générations futures.